nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Henta Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué, l'émission 407. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, on va parler d'un adjectif. Un adjectif qui n'est pas souvent employé quand même. Enfin, qu'on entend de plus en plus maintenant dans le Brezonek mot de neve. Donc, qui correspond au français responsable. Donc, c'est Kyriek. K-I-R-I-E-G. Voilà, Kyriek, qui veut dire responsable. Alors, on le trouve également, c'est un vieux mot, hein, qu'on trouve également en gaélique, hein, donc mot d'origine celtique, qui a en gaélique un sens plus nettement coupable. Ah, il y a toujours l'histoire de responsable, mais pas coupable, hein, jusqu'où ça va, et même blâmable. Hein. Donc, en breton, donc ça n'a pas le sens de coupable, hein. On verra qu'il y a un autre adjectif pour coupable. Donc, il était en fait assez peu employé parce que on a d'autres formules pour exprimer la responsabilité. Par exemple, on va dire un drasizo armechouk. Hein, cette chose-là est sur mes épaules. Enfin, chouk, c'est à la fois la nuque et les épaules. C'est l'endroit sur lequel on portait les sacs de blé, par exemple, hein, le chouk, hein. Ça n'a pas vraiment d'équivalent en français, hein, mais c'était très employé en breton, hein, parce que, bien sûr, on portait beaucoup de choses comme ça, ou un chouk. Ou alors, on peut dire aussi, on disait aussi, par exemple, on peut toujours le dire, un drasizo armehond, hein, c'est sur mon compte, en fait. Par exemple, le skezi ou armehond, hein. Donc, ça veut dire, je veux bien être responsable de ça. Voilà. On disait aussi, et on peut toujours le dire, hein, karg. Karg, c'est un mot qu'on a déjà vu, hein, qui veut dire à charge, hein. Harg. Donc, le skezé ou ame harg, hein. Un drasez ou ame harg, hein. Ça, c'est sur à ma charge. Voilà. Et aussi, puisque il y a le verbe kargan, qui veut dire charger, hein. Karg dom de zé. Je suis chargé de ça. Donc, je suis responsable. Alors, à partir de ce mot Kyriek, on a fait un substantif, hein, qui est Kyrieges, hein, donc qui est un mot féminin, Kyrieges, qui est la responsabilité. Voilà. C'est pas très employé encore parce que les Bretons n'aiment pas beaucoup les responsabilités. Non, pas les responsabilités. Mais les substantifs qui sont fabriqués comme ça à partir d'un, par exemple d'un adjectif, parce que ça donne, enfin celui-là n'est pas trop long quand même, Kyriekes, hein. Mais il y en a qui sont. Alors il y a un mot voisin, un mot féminin, qui est kares, qui veut dire un blâme, mais qui est, enfin moi je l'ai jamais entendu employé. Par contre, il y a un dérivé qui est très employé, c'est digare. Donc, sans blâme, c'est-à-dire sans responsabilité, c'est-à-dire c'est un prétexte, un digare. Mm-hmm. Ça, c'est très employé. Hein. Un digare est un prétexte. Autrefois, c'était très employé. Quand on allait chez quelqu'un, il fallait avoir un prétexte. Comme jouer aux cartes. Oui, mais même des choses plus subtiles. En général, quand on allait demander quelque chose, on ne demandait pas tout de suite. Enfin, il y avait toute une politesse. Hein. Et un digare, et c'est très, très employé, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le nom du bar de l'association Talendour, à Pumrit. Un digare, un prétexte. Hein, c'est joli, un digare. Voilà. Alors, on passe du responsable au coupable. De plus en plus, d'ailleurs, les responsables sont coupables. Donc, si bien qu'on trouve de moins en moins de responsables. Et ça se traduit par l'adjectif « kablus ». Alors, c'est un mot qu'on trouve aussi en gallois et en cornique. « Kablus », qu'on entend assez souvent maintenant. Hein. Et le contraire, « digablus », qui est innocent, Innocent au sens de non coupable, hein. Pas au sens du quand on emploie le mot innocent en breton, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Mais diga plus donc non coupable. Et alors dans la langue courante, c'est pareil, on utilisait rarement ce mot-là. On disait par exemple piuso cause, hein, qui est cause de cela, quoi. Hein. Et on disait iso cause de si, hein. Celui-ci est donc le coupable, en fait. Hein. Ou alors on disait aussi très faute pioui. La faute de qui? C'est la faute de qui, voilà. Et donc, on avait des formules, on a toujours d'ailleurs hein, des formules plus imagées hein, qui rendent les choses. Alors, ces deux mots, donc, kyriak, responsable, et kablus, coupable, sont des adjectifs. Donc, on ne peut pas les employer tout seul comme on le fait en français. En français, on va dire un coupable, un responsable. En breton, il faudra dire on den, hein, kiriek, puis on den, kablus. Hein. Voilà. Bon, on a fait un petit tour sur la responsabilité et le risque de passer à la culpabilité. Voilà. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezhonek, tant matin. Deuxième partie d'émission, Brezhonek tant matin. Aujourd'hui, on va un peu changer. Henri va vous parler du journal IA. Oui, voilà. On va pas aller à Zantolog aujourd'hui. Il fait très froid à Zantolog aujourd'hui. La route est verglacée. La route est verglacée. Et alors, je voulais faire un peu de réclame, comme on disait quand j'étais jeune. Quand j'étais gamin, on disait la réclame. Maintenant, c'est la publicité. Je voulais faire un peu de réclame en tant que brudéreuse, hein, pour le journal IA. Alors, on sait hein, qu'il y a plusieurs journaux en breton, enfin des périodiques en breton. Et celui-ci, donc, a été créé en 2004, la même année que Hinder Brezhonek. Donc, comme c'est un hebdomadaire, on devrait être à peu près au même... On est à peu près à la même... Ah, ils en sont numéro. 443, Henri, ils ont de l'avance. Oui, ils ont de l'avance parce que nous, on a fait des rediffusions. Tandis que... Pour un journal, c'est un peu différent. C'est difficile de ressortir le même la semaine suivante, quoi. Donc, alors c'est un journal qui est publié par l'association Kevimbe, hein, qui fait aussi des journaux pour les enfants, comme Rouzik, qui fait aussi qui publie des livres également. Et donc c'est une association qui se trouve à Laz, dans le Finistère. Et donc, qui a créé ce journal, donc il y a maintenant 8 ans. Et alors, je voudrais insister là-dessus, parce que je crois qu'il y a 1300 abonnés, hein, ce qui est très peu quand même pour un journal en breton, puisqu'il n'y a pas beaucoup de journaux en breton. Hein, il y a quelques revues, mais enfin. Et donc, en plus, pour les gens qui arrivent déjà tant bien que mal, ou plutôt bien. À lire le breton, donc souvent des gens qui ont appris le breton dans des cours, par exemple, ou même les gens qui l'ont appris de naissance, je trouve que c'est un journal qui est très intéressant parce que ça permet de s'habituer à lire le breton, et il y a des articles qui sont très intéressants. Alors, j'ai le dernier sous les yeux, là. Moi, je le reçois le vendredi, et donc, chaque vendredi, j'ai mon IA. Alors, je peux préciser quand même tout de suite que l'abonnement, on peut prendre un abonnement à prélèvement automatique, ça coûte 5,50 € par mois. C'est pas très cher pour une bonne dose de breton comme ça. Et donc il y a des rubriques hein, différentes. Hein. Par exemple, il y a des rubriques, là, c'est sur les premières pages, c'est un peu sur les actualités. Là, donc, l'actualité internationale, on parle souvent des autres pays celtiques. Là, par exemple, il y a un article sur la Cornouaille britannique. Alors là, ici, sur celui-ci, la deuxième page, l'actualité, bon, c'est les bonnets de rue, hein, bien sûr. Incontournable en ce moment. Donc, voilà. Là, je vois les frères Morvan, là, coiffés d'un bonnet rouge, chacun, là, en train de chanter à Carré. Donc là, on parle aussi de Doubs, bon, tous les problèmes qui se posent en Bretagne. Alors, il y a toujours des rubriques écologiques. Là, par exemple, il y a une rubrique sur la grenouille taureau, Rantar, qui est une grenouille invasive, là, qui est en train de se répandre dans toutes les rivières de France, là, et qui met en péril, justement, les batraciens locaux. Voilà, alors ici, il y a une chronique faite par des enfants, là, le journal Taboulin, donc, qui est intéressante, également pour les enfants et pour les adultes. Hein, voilà. C'est quoi, ça change d'école? C'est une école qui fait ça? C'est un ensemble d'écoles qui rédige ça. Et alors là, il y a eu toute une série sur le train, sur les chemins de fer, hein, et il y a beaucoup de vocabulaire là-dedans. Alors, il y a une bande dessinée, hein, voilà. Des jeux. Et des jeux, oui. Alors, il y a les mots croisés. Je les ai pas encore faits cette semaine. Guerriou croise. En breton, guerriou croise, oui. Voilà. Et le sudoku, alors ça, je sais pas comment ça marche. Je l'apprendrai, oui. Oui, voilà. Donc, je m'y suis pas encore mis. Les programmes de télé concernant la langue bretonne, voilà. Alors, bon, des chroniques après, des chroniques diverses qui changent chaque semaine. Hein. Là, par exemple, il y a la chronique de Jan Gerven, hein, le célèbre écrivain. Le célèbre écrivain Léonard de Bulat. Mon voisin. Oui, ça, c'est ton voisin, oui. Voilà, donc, toujours très intéressant. Alors, il y a une chronique en galop. Donc, qui est fait par plusieurs personnes hein, à tour de rôle et que je lis toujours avec attention. Comme ça, j'améliore mon galop. Je le cause point encore, mais je l'entends maintenant. Et puis, bon, alors la chronique de Job Nirian qui est toujours très intéressante. Et puis, alors là, il y a plusieurs chroniqueurs. Hein, voilà. Bon, autrement, bon, le courrier des lecteurs. Hein, les offres d'emploi. Et puis, la dernière page, c'est toujours la présentation d'un bretonnant. Je dis toujours, c'est pas tout à fait vrai, là. Cette fois-ci, c'est pas ça, mais normalement, la dernière page, c'est toujours la présentation d'un bretonnant auquel on pose différentes questions, certaines sur sa vie, d'autres questions saugrenues, avec qui voulez-vous être enfermé dans un ascenseur, des choses comme ça. Voilà. Donc, bon, ça fait beaucoup de lectures en breton, hein. Beaucoup de lectures pour pas cher. Donc, alors, je disais que c'était à Laz, hein, pour les gens que ça intéresserait. Je vais donner le numéro de téléphone. Hein. Donc, c'est 02 98 26 87 12. 02 98 26 87 12. Alors, c'est Kate Vimbeo, hein. Kate Vimbe, oui, K-E-I-T, plus loin V-I-M-P et B-E-V. Et c'est 29 520 Laz, L-A-Z. Voilà, donc j'encourage les gens à s'abonner, parce que là, ils vont trouver du bouet d'un peu en breton. Très bien. Merci Henri. On passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonevière-Vro. Troisième partie d'émission, Petra Zonevière-Vro, Eri. Calze draw e vel just boer vej di ouzan. Ar vejman, ne gro ginket gant al ar bordou ar pudur un meus oan de lard on gerrig benek di war ben Nelson Mandela, e vel just, zo et un an an e vesso. Hag Nelson Mandela, zo bet tout le barret pa appel, hein, gout ran tout dud war ze bremañ, pa seiz la war nugen e chom ba prison ban tout le bar, blamour d'ur stourm neus bet, neus gret, evit gureio un dud du, ba Afrika ar su. Hag ur stourm heb feul ze bet, pa di vu, vel oa bet Gandhi, ba bro India, vel Martin Luther King, ba bro Amerika, pi roaz eme Césaire, evit bro France. Hag un dutz zo bet vel meus laret, stourmerien di feulz. A skwerien mad, evit ur poblou kwasket, evel ur vroton ne devel just. Amañ e breiz, nomp ket tud gant kroc'h un du, men me meustra, oa ur pin vidigez gant im, a re oam dizhant deus ur eel un tamm, hag tout de pin vidigez zo bet distrujet gant e jacobinet. Hag de diantan evel just, zevenadur ur yez, hag amañ ivez zo betud a zo tud oaz, o stourm un ur mod di feulz, evit ur yez hag ur vro. Vel Jean-Jal Rand ba Angela Duval, dont tant ba même spirit vel Nelson Mandela, ne ket yen an aven, mais vel ur chans ne kebet tout le bar et pa appel, ne kebet tout le bar et tambe. Med, bon, un tant, mais même spirit vel Nelson Mandela. Hag ur eo an gzo ba strolat aïta, zo tud o storm juz mad un an mod di feulzien. Jean-Jal Rand e an dravad, mont noir an nense, mamez ma bet a bromen ne ket bet gwale feduz stourm ou di feulz de Brovrans, med ma ve hadzav ed ur zevenad ur gant breiz amant, vo ur bin vidigez vid ur vretonet, de diantan vid ur vretonet, med ivi vid tout de un dene les benefin, vid ur bedol. Kom se ve kaz ur mar emant deus nem glev evid d'azant breiz. Zo bet im bann neus ket gwall bel zo, ne ket zi in ur oaz, met vo zi de prestik, hag in galag e pakt d'avenir pour la Bretagne. A skriv zo din dan em gle evit da zon breiz, hein, pezoz, zo ez uz war. Bon, vid pezel de zo zevena, dur neus ket kal zo dra a barz, med septa velar, ed evel kiz a kustum breiz zo ur ran vro gant un identite le skri, bon, Zez o traoù a velard gant tout de politikourien, a zez ne gassak ket un traoù kalz war ok. Poe, chomera un traoù un tamm vel eng bet lak de gant Emil Combe a rezo deud oa iler. Me zez velard ad er mod, identité les ur vro, bon, koncho tout le benefin. Bon, war da chen el ar bourdou ar vo... au Bern Trou de ce meus clevet ba nams or de zon gant ur pax mais non que zur heikaz gwell ar un trou vid de fermio ou pudur de ce meus gwellet vos i kouret fermio oaz de broduit hag ur e vian or un devon ket tiem meus i kouret matrez en mamez ve febe don dra val un peso ba pax vid de kaz de ze labourer yen douar gwellet vos pesamo de vos kont. Kasi echu e bremañ bla trizek, bla daouvil trizek, hag prestig vo bla perzeg. Bon, bla perzeg evel just vo komp ze kaz, de ze brezel perzeg. Pudur, kant lasso, oa bekrog de brezel, an eus lâret de milion a oe dut. Hag zuroar vo klevet ma meus komp, jauve klevet boe bla vezio ugen, ma meus koncho, ya, ve kleve d'Alice, an eke blan morvaz vo zelet de ur brezel ze velman bet, da la rade ur brezel kasset gant nationaliste de Gal hag alamanek, hag ur brezel kasset vi gwellan plija dur un maradourien armou, de ze zur war ne vo kom ze kals, pes peto a badri ur brezel ze. Comme je vaux de ce Ninor, de ce bon, sacrifice à Miwangabeda, mais de ce nationaliste de Brohal, Brohal Allemagne, ne vaut que comme ce calse, na deus maradour yon arme ou jiwas. Evit kreiz breiz amman, ur brezel ze zo bet d'or rivin spontus, kasi tout de botre dio ang zo bet lahed de houlse, hag boen waler a brezel ne chomek ke me tud koz, merhet heb gwaaz be da bugale, hag benefin ur vroz o bet rivinet, a neus ne ke bet hazav de boe. Bon, peve komzet deus d'economies, jusma de ur strola de embregerez, meusant ma be komzet deus eo ar vechoaz, neus zo be krouet ba kreiz breiz, ba zar hob peve la ar mat, hag strola ze zo handet ganit, hag aze zo oar dro daug an embregerez, non lakat samlez, evit kaz war rog, a trau semblez benefin, rak tres ou semblez. Hag ba miskien var mezan vo gret de se o model de la boura de velard de im gal hag le mone ve velard ur luster ne se cluster ya de la rede on em glef tre o neub de embregerezio bon gwelet vo pe sa mod hag stalia de un affaire de ba skolu el lokarn institut lokarn in galagan war dachener politique res bon comme je vais cal de ce bonnet de rue ag divise des bégante escrivant ur harta ma besoin de vie de la cas de normo de récis hein pesar menos yo zo gonne bonnet de ruse plus dur ve gwel cal je dit vraiment la cas de bonnet de rue au ven ag ninke tout ma jonche de ce pas peine un dut ce ne ce que ma me jonge Alice bon sais tu vos grédor harta ag vos guet strolad ou l'erel vidze hein comité loco ag quel de vos pesamo de vos comptes gan en affaires bon dans mon temps moi dash ne zevenadur bon l'armeuse baba perze que vos lide de candela brezel hein brezel pevarzek mais lide vos ive pem candela boe et mar Anna Vreis, hein, ou mar un eau de Zevisien vers mille pem quand perzek. Quand c'est au pem quand l'asso. Ag vite c'est vos grès de bien trop, hein, Vreis, amant. Ag on team vos imbanet, hein. On team zo begret gant on den a zo Yves Bojar i hang. Hag ve gwelet Anna Vreiz hag i hastel, hein, kastel naunet, hein, pudio oa deus naunet, pudio oa chomba naunet. Bamis heri oa becho de prijo e vir d'or galo gant efer tri, gant rondro breiz, hein. A Bénéfine et Radio Plume ne se bête hors prise. Enfin, c'est pas hors prise, ouais, mais au nom de ce prix, je dois être dans Radio Plume, au roi de RKB, au Nabaden, hein, le galop dans le petit poste. À Dauzeger galop, que Végret Ganté, ag bon, on va voir des vies de Radio Plume, et bel juste. Ager prise galophone de l'année, puis on dîne à Gomes galop, galak ve l'art galophone, hein, britophone vilon den a gomz brezonek, zo bet roet Daniel Giraudon. Daniel Giraudon zo an av mord bavro, pujor e gomz galowag a brezonek. A skrivera ur penad galowag ba ouest eclair bebzun. Bon, kant vlasso oa bet de... Aya, quand vasso ou abégrède, bastion, enfin, un arves d'or, bastion de balle, d'où diacvi d'or vestiantan. Zéo abégrède, bah, mismeurs, un eau arnugue de ze mismeurs, à blanc me vaugrède, hein, vite, au volide, quand la passion de l'oudiac. De diantan ou à très grande dune, besoin le, au roi riba narves, à vraiment, zo spend d'auran, au vent noir l'euron. Ag, bon, t'as la ref et bon, monde bétagénant de veld, hein, leur passion. Les rêves végret y vé, mais, bah, l'oudiac végret quand l'asso. On dîne de ce brogembré, ne scrive de l'évore, ne scrive de l'évore, ne scrive de l'évore, ne scrive de la nation invisible, Bretagne 1750-1950. Hag lever zezo imbandet gant Cob Breiz. Hag jon jalran eo lever meskelen en anvoaz, me jon jalran eo an de eo lever dalvoudegez. Evit ur brezonek. Enfin, ur brezonek a Breiz, hein, a pudur diskwez ara pe sa mod e chomet be o ur vro benefin dre youl ur vretonet. Ur vro a zo gwasket hag a loubet, hag ur vretonet n'un koulzlar hag guir bet war tach en bet hag ouskoude, ur vro zo chomet be o en ur mod kuz an tamm. Bon, on en klas zo bet nevezo, vi goud pe de du de zo labour a dre an brezonek, gant ar brezonek, hag zo ar dro 1300 dut, breiz hag zo labourad war dachen an brezonek. Bon, gros teuse ar mu an deus ezo kelenerien, ha? Pudur zera perugen dre gant, reel zo ba radioio ou pe oa bep sortrao. Vid chom moun tam war dachen ar zevenadur, ur film zo begret nevezo, gant ur pod Christian Rouault, ur film hir war on den zo hanavad ma bavro e André ur meut, zo zon ur bombard. Hag ebe filmet pa terzun ur pod ur film zo deus heuie de André ur meut pa de terzun. Hag film zo hanglet avec Dédé. Ma tre... Peus ke gwellan, nan. Mais de bon, tremenra vejen amza. Bon, eg hendel zo bedim ban de tambo trao trao fenn du zoar, gant em globraiz zo bedim ban de lever, on tamm lever bien, les 100 mots en breton érotique, a gonel, 100 mots en breton pour les fêtes. Riz gust pembeuro bepini. Agan se ne ketier a zo moyen de ziski, kal zo trao e de gad plij adon. Hag un videchu in a hun lar in Serge Richard, zo an aven mat, ba vro, hein, kelener oa ar brezonek, de stro de brezonek, pezoari Molière, le misanthrope. Or pezoari bru de tre, hein, pe oan yo, moa stu de zi basko, la moa kad zi brao, misanthrope, ya, on din speran. Hag brezonek e un din gassaour, hein. Hag zo bet bon troet gant Serge Richard, hag zo imbanet gant mouladur hor yez. Bon, setu mem gret on tamm tro, war pez zo bet imbanet, war pez non dram da ba vro, hag lar an dar tien ar vegel, hag deja hal an lar ne de leg laouen d'un dut, a waler vo lar an deb la vez mat. Setu tien ar vegel, hein? Tien ar vegel, Eri.